Bon après-midi tout le monde, bienvenue à Connaître Ensemble, une émission pour les couples, les femmes, les sages-femmes. Aujourd'hui à l'émission, on a beaucoup de monde en studio, alors il y a Maude qui va être avec nous toute l'émission. Maude, salut! Bonjour! Alors on va parler tantôt un peu du Nunavik, tu vas nous en parler plus tard. Et bon, on va parler aussi de la pièce Naissance qui va venir à Trois-Rivières. On va discuter un peu c'est quoi cette pièce-là, quand est-ce qu'elle vient et tout et tout. Et aussi le documentaire L'Arbre et le Nid. Donc on a une belle émission avec toi, Maude. Ben oui. Pour commencer, en fait, on a Isabelle qui est avec nous. Salut Isabelle. Allô. Alors, tu viens nous lire une lettre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, c'est une lettre que j'ai écrite hier soir suite au courriel qu'on a toutes et tous reçus de l'université, de l'UQTR, de la part de la direction, concernant la hausse des frais de scolarité. Donc, l'UQTR nous annonçait en grande primaire qu'ils étaient pour la hausse. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai réagi en écrivant une petite lettre. On t'écoute. D'accord. Alors, ça va comme ceci. Bonjour. Je me nomme Isabelle Lebire. Je suis étudiante en pratique sage-femme première année et je suis contre la hausse des frais de scolarité. Je suis outrée que l'université que je fréquente, l'UQTR, ne soit pas du bord des étudiants et étudiantes qui sont le fondement même de l'existence de cette institution. Je suis outrée d'entendre que les étudiants et étudiantes doivent faire leur part. Quelle part? Payer encore plus pour être encore plus endettée? Si tel est le fonctionnement de la société dans laquelle je vis, je suis totalement contre ce mode de vie, l'endettement. Je commence à accumuler des dettes depuis que j'ai décidé de retourner à l'école et cette accumulation n'est pas par choix. Je n'aurai bientôt plus accès aux prêts et bourses, soit cet été, et ma mère, qui m'a élevée seule, ne peut supporter le coût actuel de mon éducation. Est-ce normal? Je commence mon baccalauréat, je suis déjà endettée de près de 10 000 $ incluant cette année, et comptant les cours préalables que j'ai dû faire. Il me reste encore 3 ans et demi d'études et je dois supporter obligatoirement les frais d'un cellulaire et d'une voiture afin d'effectuer mes stages. Aucune compensation de ce côté. Je viens de Montréal et le programme en pratique sage-femme se donne uniquement à Trois-Rivières. Je dois me déplacer pour assister à mes cours. Certaines de mes collègues défraient un deuxième loyer en surplus, leur famille étant restée dans leur ville de provenance. Lors de nos stages, nous sommes appelés à nous déplacer à travers le Québec. Nos stages se faisant dans des maisons de naissance qui sont éparpillées un peu partout dans la province, mais pas partout. Les places de stage sont très limitées, donc peu de chances de rester dans sa propre ville. On nous dit que la hausse des frais de scolarité sera compensée par une augmentation de l'aide financière aux études. Je me demande de quelle aide parle-t-on lorsque seulement 39 % des étudiants profitent de cette soi-disant aide. Concernant ceux et celles qui reçoivent le maximum de l'aide financière, je pose la question suivante au recteur des universités, dont je me passe ici de dénoncer la hausse salariale faramineuse que plusieurs s'octroient, à ceux et celles dont le salaire annuel moyen dépasse les 100 000 $ Pourriez-vous vivre avec un salaire annuel de 12 000 $ lorsque vous avez près de 4 000 $ de frais de scolarité, que vous devez dépenser autour de 400 $ de frais pour vos livres et fournitures scolaires par année, que votre loyer vous coûte en moyenne 400 $ par mois, que la nourriture que vous consommez aujourd'hui coûte presque deux fois plus le prix d'il y a 10 ans, que l'ordinateur que vous possédez vous a coûté 1 000 et plus, et non, ce n'est pas un luxe, je mets au défi quiconque d'aller à l'université en 2012 sans avoir accès à un ordinateur, et ce, sans compter tous les autres frais, transport, internet, téléphone, etc. Faites le calcul et rapidement, vous constaterez que 12 000 $ par année pour aller à l'école n'est pas un luxe. On nous dit que les frais de scolarité n'ont pas augmenté depuis 1994. Mais est-ce qu'on nous dit aussi que les frais afférents que nous sommes obligés de payer ont augmenté de 350%? On nous rappelle sans cesse que les frais de scolarité au Québec sont parmi les plus bas pays, voire dans le monde. Pourquoi toujours se comparer au pire et non au mieux? Pourquoi ne pas citer des pays où l'université est gratuite, comme les 5 pays scandinaves, le Mexique, l'Argentine, la Grèce, comme des exemples à suivre? Pourquoi ne pas mentionner que le taux de fréquentation diminue avec l'augmentation des frais de scolarité? Lorsque les frais de scolarité augmentaient en Angleterre, le taux d'inscription a diminué de 12 % dans l'année qui a suivi cette décision. J'ai envie de vivre dans une société éduquée. Dans une société où les métiers les plus valorisés sont accessibles à tout le monde, où étudier n'est pas vu comme un investissement qui rapportera gros dans l'avenir, et venez me dire que c'est toujours le cas, mais comme un droit et une occasion de devenir un meilleur citoyen et une meilleure citoyenne. Une société plus éduquée est plus en santé, c'est prouvé. On peut voir cela comme des coûts de moins pour l'État, mais aussi comme en améliorant la qualité de vie en général. Qui est contre cela? Je veux étudier. J'aime étudier. J'aime apprendre et je veux que mes enfants et que tout le monde qui a envie d'apprendre puisse le faire. Augmenter les frais de scolarité, c'est réduire l'accessibilité aux études. Et ce n'est pas une direction que je veux voir prendre ma société. Cordialement, Isabelle Lebire. Bravo Isabelle, c'est assez complet, hein? Voilà. C'est bien, t'as fait un beau travail. Donc, on rappelle que l'Assemblée générale spéciale demain, le vote de grève. Oui, ça va être au CAPS et c'est à 18h30. Alors, on invite le plus de monde possible à venir pour s'exprimer autant pour, contre et les moyens de pression qu'on a le goût de... Ouais. De prendre ici à l'UQTR. On rappelle qu'il y a déjà 140 000 étudiants qui sont en grève en ce moment même. Ouais. Et donc, le mouvement est déjà en marche. J'espère que nous allons en faire partie. Oui, on le souhaite beaucoup. Vraiment, ce serait... on invite vraiment le plus possible de monde à venir. Là. Il faut qu'il y ait plus... il faut qu'il y ait du monde là, pour que ça ait du poids. Là. Oui. Qu'il y ait une discussion qui s'installe aussi. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Merci à vous. Alors, Maude... Pour commencer, est-ce que tu veux comme nous parler de toi un peu, là, de qui tu es dans la vie? Puis... Oui, certainement. Donc, moi, je suis étudiante sage-femme en première année. Et donc, j'ai travaillé sur plusieurs projets avant de commencer le bac sage-femme, donc en périnatalité. Surtout dans le milieu des arts. Donc, je suis l'instigatrice d'un projet de théâtre qui s'appelle Naissance. Donc, c'est une pièce de théâtre sur la périnatalité qui viendra bientôt à Trois-Rivières. Oui, donc on va en parler tantôt. Plus tard. Et aussi, donc, j'ai travaillé pour un documentaire en périnatalité aussi qui s'appelle L'Arbre et le Nid. Mm-hmm. Et je dirais que, moi, la condition des femmes, les droits des femmes, les choix des femmes, ça m'intéresse. Mm-hmm. Ça me passionne. Et c'est pour ça que j'ai envie de devenir sage-femme. J'ai 3 petits-enfants, donc c'est sûr que tout a été déclenché par mes grossesses et accouchements. Donc, ça a été c'est ce qui m'a un peu canalisé dans mes intérêts. Les 10 dernières années, on peut dire. Mm-hmm. Voilà. Merci. Alors, c'est ça, après la pièce, après la chanson, on va parler un peu de ton expérience au Nunavik. On va parler aussi de la pièce Naissance et du documentaire L'Arbre et le Nid que tu viens de mentionner. Très bien. Oui. Alors, on va aller en musique avec une chanson d'Aurélie Cabrel, Les 10 doigts de la main. Fleurs des jardins, affronter la mer, fabriquer du pain, dompter des tigres et des lions, conduire un métro, un camion, soigner les gens ou les chiens, biper des codes barres, aiguiller les trains. Et toi, qui rêves encore entre mes bras, toi qui t'endors. Tu te t'es dit, toi, qu'en feras-tu de tes deux mains? Dis-toi demain. Faire aux enfants la leçon. Toute une vie de récréation. Suivre le son de tes pas. Quelle que soit la musique, le temps qu'il te faudra. Et toi, qui rêves encore entre mes bras, toi qui t'endors contre mon sein, que feras-tu de tes dix, toi, qu'en feras-tu de tes deux mains, quand viendra l'heure de faire un choix, j'espère que tu choisiras bien, que feras-tu de tes dix. C'était 10 doigts de main avec Aurélie Cabrel. En studio, il y a Josie qui est venue nous rejoindre. Salut Josie! Coucou! Alors, tu étais venue déjà dans les émissions passées. On te retrouve aujourd'hui. Ah oui, je suis une habituée de la place. Et il y a Ingrid aussi qui est avec nous. Bonjour! Salut! Donc, on va parler du Nunavik toujours avec Maude. Oui. Donc, Ingrid, je pense que tu avais des petites questions pour Maude. Oui, en fait, c'est quoi le Nunavik? C'est pas une question quand même. Est-ce que c'est Ah, la distinction, ben oui. Mais ça, c'est quand même très important parce qu'il y a beaucoup de monde qui se mélange mm-hmm. entre le Nunavut et le Nunavik. Et donc, le Nunavik, ça se trouve à être le territoire qui est au nord du Québec. Et le Nunavut, c'est la section qui est au nord, mais du reste du Canada. Donc, il y a Yellowknife et compagnie, mm-hmm. Les trois territoires. Exactement. Tout est en haut du reste du Canada. Donc, le Nunavik, c'est pas un des trois territoires là, du Canada. Ça fait partie du Québec? C'est la portion nord du Québec? C'est un... Ben, au fait, non, c'est un territoire, il me semble. Maintenant, là, parce que ça a changé. Ouais. Ça a changé peut-être dans les 10 ou 15 dernières années, mais c'est pas le Nunavik, c'est différent du Québec. Hein. OK. Ouais. Fait qu'on n'est pas si grosse que ça comme province, finalement. On n'est pas si grosse que ça. C'est bien dit. Parce que c'est une image, mettons. Mais je veux savoir, pourquoi tu viens nous parler du Nunavik? Dans quel cadre tu es allée dans ce territoire-là, en fait? Donc, on est allé là-bas pour le documentaire, L'Ambre et le Nid, okay. parce que je vais peut-être juste brièvement parler du documentaire. Mm-hmm. Donc, le documentaire, c'est un documentaire sur la périnatalité au Québec. Et on avait envie d'aller découvrir une autre culture pour voir comment eux, ils vivent mm-hmm. L'accouchement, comment eux, c'est qui les professionnels de santé, comment ça fonctionne. Puis on s'est rendu compte, on n'a pas besoin de partir dans les communautés reculées de l'Afrique ou de l'Inde pour se rendre compte qu'il y a d'autres façons d'accoucher. Mm-hmm. On avait juste à relever la tête, là, puis à se dire, c'est juste au nord qu'il faut aller. Mm-hmm. Et parce qu'ils sont considérés comme des communautés arborigènes, je pense. Là, oui. Ou, ben, des communautés isolées. Oui, des communautés isolées. C'est Inuit, c'est des petits villages. Il n'y a pas de route. Mm-hmm. C'est très loin. Puis donc, nous, ce qui nous intéressait particulièrement là-bas, c'est qu'il y a un service sage-femme maintenant. Mm-hmm. Donc, il y a eu des grands problèmes au Nunavik, parce que les femmes ont dû, à partir des années 50, les femmes devaient quitter leur communauté pour aller accoucher au sud. Ah ouais. Donc, c'était en lien avec la colonisation. Mm-hmm. Donc, quand il a commencé à avoir les premiers postes de soins, au nord, les infirmières ont commencé à dire « Hey, ça marche pas ici, là. Vous pouvez pas accoucher dans vos régions isolées avec des sages-femmes traditionnelles. Ça va pas du tout. C'est beaucoup trop barbare. On va vous envoyer au sud. Ça va être sécuritaire. » Et puis là, c'est sûr que bon, il y avait certains risques, c'est certain, mm-hmm. mais c'était une façon de médicaliser l'accouchement puis de prendre en charge les femmes. Quand les femmes sont expatriées en fait de leur communauté, c'est pour une période de combien de temps? Puis c'est comment là? Tu sais, je veux dire, tu te rends là comment dans ces communautés-là? Ils sortent par avion? Ils reviennent quand? Oui, c'est par avion. Il n'y a pas de route. Donc, c'est absolument par avion. Puis donc, à ce moment-là, elle partait à 38 semaines de grossesse. Okay. 36, 38 semaines de grossesse. Puis elle partait entre 4 semaines et 3 mois. Parce que tout dépendait de la météo. Passé, nous, on a rencontré des femmes là-bas qui avaient, une femme, entre autres, qui avait peut-être 40 ans. Et elle avait accouché à Moose Factory. Donc, c'est juste au sud de la Baie-du-Tson, en Ontario. Okay. Et elle devait partir en canot pour se rendre jusqu'à un endroit pour attraper l'avion. Puis à partir de là, c'était des hydravions qui partaient. Mais c'est vraiment plus sécuritaire. Hein? Non, mais c'est très troublant, leur histoire. Parce que à partir du moment qu'on vient jouer au niveau de ces passages de vie-là, ouais. L'accouchement, c'est un moment de famille, c'est un moment de communauté, c'est un moment de rassemblement, que ça aille bien ou mal. Parce que si ça va mal, les gens ont le goût de le vivre ensemble, ils n'ont pas séparé. Mm-hmm. Donc, c'est venu briser beaucoup, beaucoup de traditions, de cultures, d'histoires, de liens sociaux. Mm-hmm. Et ce n'est pas que de la faute des colons, dans le fond, de ceux qui sont arrivés. Ce n'est pas que de leur faute, mais c'est un facteur quand même qui était assez influent. Okay. Mm-hmm. Est-ce que ces femmes-là, quand elles sont, ben, par exemple, celle qui a été expatriée à Moose Factory, est-ce qu'elle est toute seule là-bas ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne? Est-ce qu'elle a une communauté là-bas, des gens? Parce que j'imagine, tu sais, chez les Inuits comme peut-être chez les Amérindiens, tu sais, bon, il y a les Algonquins, tu sais, il y a plusieurs, mettons... je vais dire quelque chose de peut-être un peu blessant, sous catégorie. Mm-hmm. Mais tu sais, il y a comme différentes nationalités, si tu veux. Fait que tu sais, j'imagine qu'il y a plusieurs clans différents chez les Inuits. Mm-hmm. Est-ce qu'elles se retrouvent à Moose Factory avec du monde de leur clan? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment... c'était un acte, on peut dire, complètement isolé. Donc, les femmes partaient seules. Ils ne pouvaient pas partir accompagnées, sachant que les coûts de transport sont faramineux. Mm-hmm. Donc, voilà, les femmes devaient partir seules. Puis, un coup qu'elles arrivaient là-bas, si on se réfère aux années 50, 60, hein, ben les Inuits, là, je m'excuse, là, mais ils ne parlaient pas anglais. Mm-hmm. Fait que tu arrives dans un hôpital, on ne parle pas ta langue, tu es tout seul, tu laisses derrière toi ton mari, tes enfants, qui, peu importe leur âge. C'est quand même assez troublant. Puis ensuite, pour répondre à ta question au niveau des différentes communautés. Sur les territoires inuits, hein, il y a différentes variations, on peut dire, mais ils sont quand même ensemble. Ensuite, à partir du moment où on change de territoire, on rentre dans les territoires Cree ou dans... Là, il y a eu certaines discordes. OK. Ça, je sais qu'il y a eu certaines discordes qui ont même pas l'air à être tout à fait résolues aujourd'hui. Puis au fait, il se trouvait que les femmes inuites, quand elles allaient à Moose Factory, elles se trouvaient sur un territoire... entre guillemets, ennemis. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, ben, c'était, ils ne sont pas, mettons, les bienvenus. Oui, parce qu'il y avait des problèmes entre les communautés Cree et Inuit. Oh, donc, voilà, c'est des choses qui se guérissent petit à petit avec le temps. OK. Ça, j'imagine, tu parlais des coûts du transport, les frais de transport, c'était défrayé par qui? Les femmes enceintes, ouais, que tu parles? Ben, les femmes enceintes, ça, c'était payé par le gouvernement. Okay. Puis c'est pour ça qu'elles partaient seules. OK. C'est parce que le gouvernement ne pouvait pas payer plus pour quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Ils pouvaient peut-être, par moment, partir deux femmes sur un coup de chance. Oui, oui. Mais c'est ça. Les femmes étaient envoyées soit à Moose Factory, donc dans le nord de l'Ontario, ou... Québec, Montréal. Il y a des femmes qui m'ont raconté qui sont parties un an. Oh mon Dieu. Oui. Parce qu'il y a eu une complication, bébé, il y a eu une complication, la météo, puis que ci, puis que ça. Ouais, là. Ouais. C'est des histoires assez incroyables, hein, qu'on a recueillies là-bas. Oh mon Dieu, oui. Mm. Ben justement, j'aimerais ça que tu me parles un peu de la pratique sage-femme là-bas. Comment ça s'articule? Parce que tu parles au passé, au niveau des transports. Fait que j'aimerais ça que... Pourquoi est-ce qu'on les sort plus maintenant? Oui. Mais c'est captivant parce que c'était quand même beau de se rendre compte que dans les années 80, ça faisait une trentaine d'années que les femmes étaient expatriées pour aller accoucher. Puis à un moment donné, dans les années 80, les femmes inuites, ils ont dit « ça va faire ». Puis ils se sont comme rendus compte que là, dans nos villages, il y a juste des gens qui meurent. Ouais, là, t'es là. Il y a des témoignages, là, qu'on pleurait, là, tellement c'était bouleversant, honnêtement. Okay. Puis, quand ils disaient, il n'y a que des gens qui meurent dans nos villages, là, on n'a plus le cycle de la vie, il n'y a plus de naissance. C'est quoi qu'on fait, là? Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait une grosse prise de conscience, puis il y a eu une conjoncture. Il y a eu une conjoncture aussi au niveau du centre de santé, les gens qui s'occupaient de la direction des centres de santé. Puis ensemble, ils ont travaillé pour ramener les naissances dans les communautés. Fait que là, ils se sont dit, on est en 1980, la pratique sage-femme est pas sa carte, non, du tout. Pas du tout. Les médecins, ils ne travaillent pas vraiment à l'extérieur des centres hospitaliers, du moins pas en ce qui concerne l'accouchement, parce que ça leur tente pas du tout. Donc, ils se sont dit, comment on va faire si on veut ramener la pratique sage-femme? Eux, il y avait des sage-femmes traditionnelles, mais elles avaient besoin d'avoir une mise à jour, une espèce de soutien pour mettre en place un système qui allait être reconnu aussi par leur système de santé. Mm-hmm. Et donc, ils ont travaillé avec deux sage-femmes, entre autres deux sage-femmes, dont Jenny Stonier, qui est une sage-femme qui est là-bas maintenant depuis 25 ans. Okay. Et ensemble, petit à petit, ils ont commencé à faire de la formation. Donc, ces deux sages-femmes-là ont été au Nord en 1983. Okay. Ils ont commencé à faire de la formation parce qu'elles se sont dit, nous, les sages-femmes du Sud, les Inuits ont dit, on aimerait que vous, les sages-femmes du Sud, vous veniez ici, mais juste pour nous aider à former des sages-femmes Inuits. Parce que nous, on ne veut pas être dépendants des professionnels du Sud. Ouais. C'est-à-dire que tous les professionnels là-bas, c'est tout des Blancs. C'est du Sud, mais oui. Mais tous des blancs. Sauf les sages-femmes. Ah, fait que, tu sais, c'est. Non, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Puis donc, petit à petit, au fil des ans, donc, il y a eu la première petite maternité qu'on peut l'appeler mm-hmm. à Pauvre-Onitouk. OK. Qui est le plus gros sens, là, qui est comme un petit hôpital, finalement. OK. Et puis ensuite, quelques années plus tard, il y en a eu un autre à Saluit. Ça, c'est complètement au nord. Si on regarde la carte, là, c'est tu peux pas aller plus au nord que c'est ça. C'est le pic, là. Puis ensuite, il y a eu à Inukjuak, qui est juste un peu au sud de Pauvre-Onitouk. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec une maison de naissance au Québec ou c'est dans des hôpitaux, c'est des centres de santé? C'est des cliniques. Comme un CLSC, genre? C'est comme un petit centre de santé. Puis, tu as le médecin qui travaille là, tu as deux infirmières, tu as deux sages-femmes au fond, mais elles font leurs affaires, là. Ils font leurs affaires, puis ils travaillent de pair avec les médecins. C'est des équipes, il n'y a pas de t'es sage-femme, je suis médecin, on se comprend pas ou on se comprend. C'est un travail d'équipe, très, très belle collaboration. L'interdisciplinarité à son meilleur. Oui. Donc, pour eux, c'était quand même radical à partir de ce moment-là. Donc, là, maintenant, ça fait 25-30 ans que les femmes ont 20. Ouais, que les femmes ont pu recommencer à accoucher chez elles. Donc, la pratique est devenue légale avant celle au Québec? T'as des bonnes questions. Parce qu'on sait que la loi a été adoptée en 99 au Québec avec les projets pilotes qui ont démarré dans les années 90. Oui. On parle au Québec, puis les projets pilotes, il y en avait un peu partout dans la province. Là. Oui. Mais là, ça veut dire que tu me parlais 83 quand ça a commencé, fait qu'ils ont eu leur projet pilote avant nous autres. Oui, mais même absolument. Eux autres sont loin, hein? Eux autres sont loin. Puis étant donné que... Non, mais je trouve ça fantastique là, qu'on les ait mis en priorité là, pour une fois. Là. Bien, c'est certain. En tout cas, moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages là, de sages-femmes là-bas, de médecins, qui racontaient un peu, ben bon, là, les sages-femmes, là, s'ils sont au nord, là-bas, c'est bien correct. Mm-hmm. Tant qu'ils sont là-bas, ça va. Parce que des gens du sud, là, c'est-à-dire des régions d'ici, des grandes villes du Québec. Ben oui, parce que de toute façon, on se remet en 85-90. Il n'y en avait pas de service sage-femme ici. Non. Le projet pilote n'était même pas commencé. Mais il reste que il y avait beaucoup de choses qui se tramaient. C'est certain. Mais c'est ça qui est quand même drôle dans l'histoire. Hein. Que là-bas, il y a eu des premières sages-femmes. Premier service, on peut l'appeler comme ça, premier service sage-femme offert dans le Québec, c'était au nord. Mm-hmm. J'en revenais pas, là. Mm-hmm. Puis je trouve que même dans la communauté sage-femme ici, il y en a beaucoup qui savent pas ça. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui savent pas ça. Puis en plus, ce qu'on sait pas, c'est que là-bas, les sages-femmes, les femmes, quand ils veulent devenir sages-femmes, elles vont faire 4 ans de formation. Mais sur le terrain, parce qu'elles ont voulu faire combiner la profession sage-femme telle qu'on la connaît ici avec leur savoir traditionnel. Donc, il y a eu plein de rencontres avec des sages-femmes du Sud, des sages-femmes traditionnelles, des médecins pour mettre en place un plan de formation. Fait qu'ils vont pas à l'école comme nous, là. C'est pas comme 4 ans d'université comme on le fait, là. Du tout. Puis elle voulait apprendre avec en respectant leur méthode traditionnelle d'apprentissage, qui c'est vraiment pratique. Ouais. C'est tout de suite avec les mains, puis on regarde, puis tout de suite dans le bain, puis elles ont le même cursus, entre guillemets, adapté à leurs besoins. À la réalité. À leur réalité. Parce que j'imagine qu'il y a une propension au risque qui est plus grande dans le Nord qu'au Québec. Tu sais, ils doivent... Nous autres, on a tendance à étirer l'élastique au Québec. On étire l'élastique, là, des fois. Mais, en tout cas, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Là, ben oui. Mais je veux dire, là-bas, l'élastique, il faut qu'il soit vraiment plus lousse, là, parce que... Tu parles que, mettons qu'il y a une situation... Nous autres, on est souvent à une demi-heure d'un hôpital maximum, là, une maison de naissance, ou tu sais, dans les maisons de naissance, on prend des accords comme ça, il ne faut pas que ce soit plus que de l'hôpital si jamais il faut qu'on transfère. Là-bas, c'est parce que c'est même pas une demi-heure, là, c'est une question d'heure avec un avion. Là. Ben là, c'est certain que là-bas, la gestion du risque... Elle se fait vraiment pendant le suivi, tous les paramètres est vraiment contrôlé, tout est bien évalué. Mm-hmm. Puis ensuite, là-bas, là, il n'y en a pas d'hôpital. Puis même à Inukjuak, il n'y a même pas de banque de sang. Il n'y a pas de banque de sang. Il y a une banque de sang à Pouvournitouk, mais là, pour aller à Pouvournitouk, il ne faut pas qu'il y ait de tempête, il faut que le plafond soit assez haut, il faut que l'avion arrive, il faut que les lumières de l'aéroport marchent, parce que souvent, il y a toutes sortes de problèmes. Puis là, il y en a des facteurs. Là, OK. T'sais? Mais quand on regarde les statistiques, puis c'est malheureux que je ne les ai pas devant moi, mais les statistiques, ils sont meilleurs. Que, quand tu regardes les, en termes d'intervention, d'épisio, de césarienne, de whatever. C'est pas grave, c'est pas grave, j'en ai dit un aussi. OK. Et merci de te soucier de notre qualité de la langue. Ah, excusez, parce que j'essaie de ne pas parler anglais au micro, là. Donc, ça, c'est quand même très intéressant, mais il faut se dire là-bas que à Inukjuak, par exemple, il n'y a pas de. Il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas d'échographie, il n'y a pas de moniteur, il n'y a rien. C'est pas compliqué, là. Puis les femmes, elles accouchent. Naturellement. Bien là, ils n'ont pas le choix. Elles accouchent naturellement. Puis moi, je me souviens quand j'ai rencontré une des sages-femmes, Brenda, puis on faisait le tour. Dans le bureau des sages-femmes, il y a un gros divan, là. Les sages-femmes sont assises dans leur divan, là, puis... La notion de temps là-bas, elle est très différente. Il n'y a pas de « on prend un rendez-vous à 2 heures ». Ça n'existe pas. C'est t'arrives quand tu t'arrives. T'arrives quand t'arrives, puis tu pars quand tu pars. Puis c'est un autre rythme complètement. Puis dans les deux chambres, il y a juste 2 gros lits doubles. Puis c'est vraiment simple. Puis Brenda me disait « tout ce qu'il faut pour accoucher, Maude, là, c'est être relax ». Là, oui, c'est... là. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Pas tard, là. Mais c'est juste ça, là. Oui. Faut être relax. Faut être relax. Puis, ils n'ont pas toute une vision romancée là, de l'accouchement naturel. Ici, on accouche sans péridurale. Puis, douleur. Puis, il n'y a pas tout un sens à ça, là, la douleur. Il y en a. En tout cas, moi, personnellement, là, j'ai pas perçu de grand sens profond à la douleur. Là. C'est que c'est de même. OK. Ouais, ça fait partie de la vie. Ça fait partie normale de la vie. C'est pas exceptionnel comme peut-être ce qu'on va donner plus ici au sud. Il y en a que c'est normal, là, c'est un changement de vie. Oui. Mais eux autres peut-être voient moins une démarcation comme que nous, on en fait une. Tout à fait. Puis je me demandais si tes statistiques sont aussi bonnes, voire meilleures. Est-ce que tu penses personnellement, c'est vraiment ton avis personnel, que c'est parce qu'ils sont dans leur communauté puis qu'elles sont restées avec des gens puis qu'elles leur font confiance? Mm-hmm. C'est quelqu'un que t'as vu grandir, tu sais. Oui. Ben je pense que ça joue pour beaucoup. Mm-hmm. Je pense que ça joue pour beaucoup. Je peux pas m'empêcher de penser que les interventions, la cascade des interventions n'est pas là. Ouais. Dans le sens que c'est quand même prouvé scientifiquement qu'à partir du moment qu'on fait une intervention, ça va en amener d'autres. Mm-hmm. Ça s'appelle la cascade des interventions. La péridurale va amener l'ocytocine, va amener possiblement une épisiotomie ou bien qu'il y en ait moins aujourd'hui, mm-hmm. l'utilisation des forceps, ventaux, césariennes, etc. Toutes sortes de... Le moniteur, c'est quoi l'influence du moniteur sur le reste des interventions? Mm-hmm. Ben, ce n'est pas rien. Mais là-bas, il n'y a pas ça. Mm-hmm. Fait que c'est comme si, dès le départ, c'est un peu désamorcé. Mm-hmm. Et puis... Il y a moins une crainte, peut-être, de l'accouchement, comme au Québec. Des fois, souvent, on peut entendre là, comme un préjugé envers les sages-femmes. Oui, mais c'est pas sécuritaire. Mm-hmm. Mais peut-être que là-bas... Ah non, mais là-bas, ils sont fiers de ça! Là-bas, là, quand tu leur dis, là, c'est... qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir amené les naissances dans vos communautés? Mm-hmm. Puis que la femme de 60 ans se met à pleurer puis qu'elle dit être vraiment fière. Oh wow. T'es là. Ah. C'est vraiment fort pour elles. Elles sont très fières de ça. Puis elles veulent rester. Puis c'est ça. Ben c'est, ils sont entourées c'est, aussi là-bas. C'est ben comme oui. un beau bras de... un bras d'honneur face à la colonisation. Là, on reprend possession de nos naissances. C'est à quelque part, c'est à la base d'une communauté, la naissance. Mais à la base, c'est un petit peu ça. Parce que c'est sûr que si on rentre sur tout le sujet là, de ce que les Blancs, on est allés faire là-bas, là, je pense pas que... C'est peut-être pas moi la meilleure personne pour en parler. Ben, merci. Si je peux me permettre, il y a aussi... T'sais, ils ont vraiment toute une vision de la vie qui est complètement différente de la nôtre. On s'entend, là, c'est complètement autre chose. Puis je pense aussi que à quelque part, on parlait de gestion de risque et tout, je pense qu'à quelque part, la mort fait partie de la vie. Mm. Puis c'est vraiment... En tout cas, je ne sais pas si tu peux confirmer. Oui, tout à fait. Mais eux, ils n'ont pas toute une culture de blâme. T'sais, quand il y a quelque chose qui va mal... Puis c'est ce que Jenny, la sage-femme, me racontait. Quand il y a quelque chose qui va mal, ils vont essayer d'avoir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. OK. Et si non pas, un c'est décès, la faute à qui. On trouve des leçons. Oui. Puis elle me disait aussi... j'ai perdu mon idée. Excusez-moi. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est ça, c'est... Oui, tu parlais, puis j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup moins l'espèce de gros nuage de culpabilité au-dessus de la tête des femmes qui planent, comme on sait, souvent autour de la moins maternité. Moins de pression, ici. Peut-être aussi, ouais, là, tu sais, de... Ben, ça fait partie de mon cycle de femme, là, puis c'est pas un échec, là, une mort, là, Le sens de la tragédie, c'est ça, parce qu'elle disait, s'il y a une tragédie, puis qu'on peut le vivre ensemble, c'est ça qui est important pour nous. Fait que, tu sais, on peut le penser, c'est quoi l'influence de ça sur les liens sociaux? Absolument. C'est quoi l'influence de ça sur la famille, la cohésion, le père, la mère, les enfants? C'est très important parce qu'on sait quand même, nous, on est allé chercher là-bas les beaux côtés. Ça, c'est important pour moi parce que quand on parle du Nord, quand on parle des Inuits, de quoi on parle, c'est des problèmes d'alcool, de la cigarette, des abus, de la violence. Puis c'est ce qui fait tout le temps les manchettes. C'est juste dans ces moments-là qu'on en parle. La crise qu'il y a eu en début d'année. Oui. Puis je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ils ont plein de choses aussi très valorisantes. Puis nous, quand on est allé avec le film, c'était pour aller chercher les aspects qui vont bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail à faire parce qu'ils ont encore des problématiques par rapport à ça. Ils ont toutes sortes d'autres problématiques. Mais je trouve que c'est important d'en parler puis de valoriser ce qui va bien aussi chez eux. Souligner le positif, pas juste dénoncer le négatif. Oui. Ouais. Justement, parlant du documentaire, on va en parler après la pause. Merci beaucoup pour cette discussion sur la Nunavik, Maude. Avec plaisir. On va te faire plaisir. On va mettre une chanson que tu aimes beaucoup, ta demande spéciale. Ah, merci beaucoup. Alors, ta demande, c'est Une sorcière comme les autres de Pauline Julien. Vous êtes à l'écoute de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être corps de fée, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émorcelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.

qui avait fait le film, là. On s'en souvient. Depuis que le monde est monde. Oui. Ah, OK. Tu sais, j'étais peut-être pas née, hein? Donc, c'est ça. Il n'y a pas eu rien vraiment qui a été fait au Québec depuis. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'était d'aller voir autant... ce qui se passe au niveau des sages-femmes, des médecins de famille, des gynécologues, de faire un état des lieux, du choix des femmes, où mm-hmm. on en est un peu rendu avec les différents taux d'intervention, qu'est-ce que les femmes choisissent, pourquoi mm-hmm. dans certains hôpitaux, les femmes veulent l'épidurale, puis qu'il y a 90 % des femmes qui prennent l'épidurale, mm-hmm. pourquoi? C'est vraiment un questionnement. Autant vers les professionnels que vers les femmes, puis essayer okay. de voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, puis c'est à cause de ça aussi qu'on est allé donc au Nunavik. OK. Voilà, uh-huh. ça c'était le... Pour avoir vraiment le portrait total de la maternité au Québec. Oui, tout à fait. Donc, on a suivi des femmes aussi pendant leur grossesse. On était là pour l'accouchement. OK. Donc, autant à l'hôpital qu'en maison de naissance, qu'à la maison. OK. On couvre tout, là. Oui, oui, oui. Les soins, tout le postpartum. Le prénatal, est-ce que vous en parlez un peu? Excusez-moi. Le prénatal? Le prénatal, on en parle, oui, oui, on en parle beaucoup du prénatal. Donc, on fait... Oui, oui. Donc... Les cours, qu'est-ce qu'ils se donnent? Oui. Oui, tout à fait. Puis donc, il y a plusieurs rencontres avec des professionnels, dont Michel Audin, pour ceux qui connaissent un peu la périnatalité. Michel mm-hmm. Audin est quand même c'est un gynécologue qui a environ 80 ans aujourd'hui, qui habite en Angleterre, puis qui a fait beaucoup de livres, beaucoup de recherches, beaucoup mm-hmm. de travaux sur l'accouchement. Puis il est très critique, mm-hmm. puis il est très intéressant à entendre. Absolument. Donc, il y a des entrevues avec toutes sortes de médecins, des gynécologues, des sages-femmes, des femmes, des pères. OK. Et puis toi, au niveau du documentaire, est-ce que tu fais partie de l'interview? Qu'est-ce que tu fais dans le documentaire? Ben, dans le moi, à la base, on peut dire que j'étais comme recherchiste. OK. Et je fais les entrevues. Donc, ça dépend de l'équipe qui est là. Donc, soit qu'on prépare les questions ensemble, je fais les entrevues, ou recherchiste, faire des liens. OK. Parce que j'avais quand même une bonne connaissance du réseau. Oui, tu étais assez informée au niveau des sages-femmes au Québec. Là. Oui, de voir un peu qui fait quoi, puis au niveau des médecins, mm-hmm. quel médecin qui est un peu plus influent, c'est quoi un peu les pratiques, voilà, c'est mm-hmm. peut-être plus un espèce de bassin d'information que j'avais, puis qu'avec Valérie, on arrivait bien à connecter. Combiné, ouais. Mais justement, ce bassin d'information-là te vient parce que tu as participé au projet Naissance, je crois, à la pièce de théâtre. Est-ce que c'est ça? Oui, surtout parce que, bon, moi, ça fait 3 ans que je suis revenue au Québec parce que j'étais en France avant. Mm-hmm. Et quand je suis revenue assez rapidement, j'ai commencé ce projet-là. Donc, forcément, ça m'a amené à connaître mm-hmm. un peu tout le monde. Les médecins, les infirmières, tout oui. comme ça. Oui. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est le dialogue entre médecins, infirmières, mm-hmm. sages-femmes, gynécologues, femmes, hommes. C'est la discussion. Ce n'est pas de dire « je suis pro-sage-femme ». L'idée, c'est de voir c'est quoi que les femmes ont le goût. C'est qu'est-ce qu'ils rencontrent, leurs besoins, okay. leurs valeurs, hein, puis de les écouter, puis d'être capable d'explorer avec elles. Puis on retrouve ça dans le documentaire « L'embryonie ». Ben le but du film, c'est ça. Le but du film, c'est que... C'est sûr que c'est une réflexion... quand même, qui porte sur l'humanisation des naissances. Oh oui. Parce qu'on ne peut pas vraiment passer à côté aujourd'hui quand on regarde... C'est pas mal l'actualité en ce moment. Mais même dans tous les soins, c'est l'humanisation des soins de santé. Tout à fait. Partout, là, c'est ce qui se parle dans les colloques. Oui, tout à fait. Ben, mm-hmm. c'est ça. Et là, ce beau projet-là, ça va être disponible quand? Là? J'ai hâte de le voir. Ben là, c'est en montage. Okay. Et il n'y a presque plus de tournage à faire. Okay. Donc, ça devait être pour le mois de mai, mais j'aurais tendance à dire peut-être juin ou septembre. Okay. Donc, okay. soit la fin de... comme début été ou début automne. Okay. Mais je peux, par exemple, vous laisser le site Internet. Oui, ben il est déjà mis en ligne en ce moment. Là. Sur notre page Facebook. Oui. Okay. Vous pouvez aller nous rejoindre. C'est Cours Trait d'Union Naître Ensemble sur Facebook. C'est notre groupe. Et on met tout le temps là, les références à chaque émission. Fait qu'on va mettre le site internet de L'Arbre et le Nid. Et aussi de la pièce de théâtre Naissance dont on va parler à l'instant. Josie, t'es avec nous pour en parler aussi. Ben oui, je suis encore là. Ben oui! Donc, c'est quoi ça? C'est une pièce de théâtre? Naissance, oui, tout à fait. C'est une pièce de théâtre un petit peu dans le même genre que le monologue du vagin. Okay. C'est 6 femmes et un homme qui racontent leurs expériences de naissance. Okay. C'est une pièce qui, à la base, a été écrite par une Américaine, Karen Brody, qui a été amenée à Montréal par nul autre que Maude Poulain. C'est avec nous en ce moment. Oui, c'est ça. Donc Maude, qui en revenant de France, a eu envie de faire ce projet-là ici au Québec, qui a justement, dernièrement, adapté 2 scènes à la réalité québécoise. Eh oui, c'est une nouveauté, ça. C'est une grande nouveauté. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de scène adaptée à la réalité québécoise? Ça a été écrit par une Américaine, comme j'ai dit tantôt. Puis, ben c'est ça, ben, excuse-moi. Non, c'est correct, c'est correct. Tu m'écoutes? On est bien. On garde l'auditeur réveillé. C'est ça, ça avait été écrit aux États-Unis à la base. C'est Maud qui a amené ça ici. Puis au départ, le but de cette pièce-là, c'était de faire un projet. C'était bénévole. Tout le monde travaillait là-dessus gratuitement pour susciter une réflexion autour de la naissance au Québec. Donc, c'était la pièce naissance de Karen Brody, mais en français, bref. Ouais, oui. Donc, pas adapté du tout à la réalité ici, juste oui, mais c'était en français. Ouais. Puis finalement, ça a eu un succès... monstre! J'allais dire inattendu, mais ça a eu un grand succès. Oui. Ça a passé à Espace Go, l'usine C, à Montréal, ça roule beaucoup. Il y a eu une représentation à Sherbrooke, une à Québec. Une à Laval. Une à Laval. Puis là, il y a justement Maud qui a ajouté avec son équipe, 2 scènes. Une qui se passe en maison de naissance. Oui, donc une qui se passe en maison de naissance au Québec. Parce que c'est important, parce que c'est pas pareil partout. Oui. Donc, et puis une autre, c'est une femme qui a un AVAC, donc un accouchement vaginal après césarienne, avec un médecin de famille à l'hôpital. Puis tout se passe bien et c'est merveilleux. Okay. Ah, oh, j'ai hâte de voir ça. Parce que la pièce, déjà, elle était super intéressante, juste en français, mais là, en plus, avec le nouvel ajout, ça va être présenté quand avec ces nouvelles pièces-là, avec ces nouvelles scènes-là? Eh bien, là, la première avec les nouvelles scènes va être le 30 mars à Québec. OK. Mais là, pour nos auditeurs de Trois-Rivières, ça va être le 30 avril. OK. Oh. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. À la salle Anaïs... Alors-Rousseau. Alors-Rousseau. Anaïs Alors-Rousseau, dans la Maison de la culture. C'est dans le centre-ville sur des Forges, à Trois-Rivières, donc le 30 avril. Oui, puis étant donné que ce sont les étudiants, l'Association des étudiants de sage-femme qui fait venir la pièce à Trois-Rivières, okay, puis que tous les profits réalisés vont aller dans le compte de l'Association des étudiants de sage-femme au Québec, on a fait des super prix pas croyables pour les étudiants. Ouais! J'ai jamais vu. C'est 15$ pour les étudiants. Tout inclus. Tout inclus. Taxes incluses, frais de billetterie, de scolarité. Wow. Voilà. Puis c'est 20$ en pré-vente pour les adultes, puis 25 à la porte. OK. OK. Puis. Oui, excuse-moi. Je voulais savoir, c'est qui finance la pièce? Est-ce que c'est seulement par les billets ou. Ben, le ministère de la Santé finance en partie le spectacle. On a aussi eu de l'argent de l'AG, l'Association des étudiants de l'UQTR. Tout à fait. On est très heureuses d'avoir eu leur appui parce que c'est important. Parce que plus on arrive à financer le spectacle, ben, plus on va être capable de verser des fonds à notre association étudiante. Puis c'est très important. Surtout que le seul endroit de formation des sages-femmes au Québec se trouve à Trois-Rivières. Ben, ouais. Puis en plus, ça va être super intéressant. Je pense qu'il y a un panel de discussion après la pièce. Après la pièce, il y a un panel de discussion avec 3 professionnels de la santé. Okay. Un médecin, une infirmière et une sage-femme. Wow, ça va être intéressant. Tu peux-tu nous sortir des noms? Oh là là! Est-ce qu'on a eu des confirmations? Parce que Josie, là, on a-tu des confirmations? On a eu des confirmations. Oh! Est-ce que tu peux sortir des scoops ou tu préfères que ça soit une belle surprise? Ah non, ben non, on peut en parler. Ben on va essayer de... donner l'eau à la bouche Mais oui. aux gens. L'infirmière qui va être là, c'est Véronique Larouche. OK. Mais je dois avouer que je pourrais pas nécessairement la décrire étant donné que c'est pas moi qui s'est occupé de ça. Puis le médecin qui va être là, c'est le docteur Blais. Qui travaille à la clinique du docteur L'Étoile, la clinique de périnatalité de Trois-Rivières, qui est un pro humanisation de la naissance. Et on invite aussi vraiment les étudiants dans du domaine de la santé de l'université à venir découvrir tout l'univers de la naissance. Et c'est vraiment pas une pièce pro-sage-femme, on essaie de convaincre. Là. C'est pas du tout ça, c'est vraiment plus une vitrine pour comprendre un peu toute l'atmosphère autour de la naissance au Québec, surtout avec les nouvelles adaptations, les nouvelles scènes. Ça donne vraiment une bonne idée, une bonne aperçu du vécu des femmes aussi à travers la naissance, l'accouchement, toute la grossesse. Des femmes et des hommes. Oui, des femmes et des hommes aussi, parce qu'il y a un homme qui est là, donc ça amène, ça apporte un point de vue, le point de vue du père qui est vraiment très intéressant. Et pour l'avoir vu, on passe du rire aux larmes. C'est vraiment impressionnant comme pièce. Donc, on vous invite vraiment à venir la voir. Donc, oui, oui. Ben, Monde, je pense qu'il y a un petit quelque chose oui, à rajouter. Oui, ben, juste pour terminer, allez sur le site www.naissancequebec.com. Donc, gardez ça en tête, naissance le 30 avril. Donc, à l'université, on va placarder avec les affiches, on va vendre des billets près de la cafétéria. Et dans la ville de Trois-Rivières, on va mettre des affiches aussi un peu partout, dans les commerces, et vous ne pourrez passer à côté. Le lien est déjà en ligne sur notre Facebook. Ben, merci beaucoup, Maude, pour l'émission que tu es venue passer avec nous. Merci à toi. Merci à toi, Ingrid. Merci, Josie, aussi, pour ton apport à l'émission. J'espère un jour avoir autant de choses à dire que Maude Poulain. On remercie aussi Isabelle Lebire qui est venue en début d'émission nous lire sa lettre contre la hausse des frais de scolarité. On rappelle l'Assemblée générale spéciale demain pour le vote de grève. Et aussi, en fait, je voulais juste mentionner les étudiants de sage-femme, l'association s'est proclamée contre la hausse des frais de scolarité. Alors, merci beaucoup Ingrid pour la mise en onde et la recherche musicale, comme toujours. On va se laisser avec une chanson, ma chanson préférée de toute la vie, c'est Desjardins d'Ingrid Saint-Pierre. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous revient la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Connaître ensemble sur les ondes de C'est fou 89.1. Si je connais par cœur toutes les chansons de Desjardins, j'ai pas pour autant le pouce vert et je connais pas le nom latin. De toutes les fleurs de la planète, je suis pas comme toi, mais t'inquiète, je ferai un effort monumental pour garder mes plantes artificielles. Je suis pas aussi disciplinée ou même du type très très rangé. Le bon mot serait porter les coups de tempérament artistique. Les preuves sont faites et véridiques, pas besoin du biologique. Mis à part ces futilités, toi et moi c'est du copier-coller. Un ange en espadrille sous un imparant un peu trop grand. C'est pas parce que je suis ta fille que je te dis ça, c'est évident. Quand tu passes à petit pas, les gens se retournent les yeux grands. Mais quand tu passes à petit pas, le ciel est simple figurant. Regarde le doigt. Quand le sage montre la lune, toi tu ne regardes pas. Tu la connais bien déjà et tout le monde sait qu'entre elle et toi, y a comme une amitié, une ressemblance, un je ne sais quoi. Un ange en espadrille sous un imparant un peu trop grand. C'est pas parce que je suis ta fille que je te dis ça, c'est évident. Tu passes à petit pas, les gens se retournent les yeux grands. Et quand tu passes à petit pas, dis pas le ciel est simple figurant.